Galaxy Pop a changé d'adresse. Ce n'est plus Constellation, mais Nouveauté. 30 jours de podcast pour mettre des paupiètes dans votre vie. Galaxy Pop Nouveauté, c'est mon produit de beauté. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de De Branque Sinon Rien. Alors aujourd'hui, menu spécial. On va commencer par écouter Le Corbeau nous parler de Canary Black, donc une production Amazon, d'action, de série B. Puis, en parlant de série B et d'action, je m'octroie les trois chroniques suivantes puisque je vous parlerai de The Substitute 1, 2 et 3, et du coup de mon affection pour cette série toute particulière. Allez, on commence tout de suite avec Le Corbeau et Canary Black. Every Grave, agent de la CIA, qui a 100% de réussite dans ses missions, voit son mari enlevé. Elle doit retrouver pour les ravisseurs un document contenant des informations compromettantes pour des personnalités importantes des États-Unis. Elle va devoir flinguer des mecs et casser des bouches pour sauver son cher et tendre. C'est à la mode, c'est sous John Wick mettant en scène des actrices quadra ou quinca, n'ayant pas trop œuvré dans le genre. On a eu Charlize Theron, Jessica Alba et maintenant Kate Beckinsale. Que dire de ce produit qui ne sert qu'à étoffer le fond de catalogue d'une chaîne de streaming, ici Amazon. Déjà, mauvais point, le réalisateur c'est Pierre Morel, qui a commencé par Banlieue 13, a eu un pic avec Taken avant de le décliner avec des films tels que From Paris with Love, Peppermint avec Jennifer Garner ou Freelance avec John Cena. Vous le voyez, on est loin du génie. Ensuite, la petite Kate a bien appris ses chorégraphies de combat mou. Ça crève les yeux que ses adversaires se mettent à son niveau. Ajoutez des scènes où elle se balade avec la perruque de Brigitte Macron, ou quand elle court avec des talons, et vous verrez qu'elle n'est pas à sa place. On s'ennuie profondément en attendant que les personnages cochent toutes les cases de ce film de genre. Tellement d'ailleurs que j'en ai profité pour me faire les griffes des pattes, sans rien perdre de la subtilité du scénario. Entendez-moi bien. Oui, surtout toi, Mergreen. Pousse ton sonotone à fond. J'ai rien contre la série B de Vidéoclub. Mais au moins proposez-moi quelque chose de bien fait. Des gunfights homériques, du combat bien nerveux, de la violence graphique, du sadisme, mais pas cette tisane à peine tiède tournée en Croatie. Triste surtout que c'est une des dernières apparitions de Ray Stevenson. Le film lui est même dédié, le pauvre. Bref, arrêtez les héroïnes ménopausées. Oui, oui, malgré la fin qui augure d'une suite. Aïe, aïe, aïe, bon, mon pauvre corbeau, moi déjà, je dois avouer que Pierre Morel, je l'aime bien, parce que j'aime bien Banlieue 13 et From Paris with Love. Néanmoins, j'irai pas regarder ce Canary Black, et ce malgré la présence de Ray Stevenson. C'est vrai que ça a quand même pas l'air bon, et si vous voulez voir un bon film avec Ray Stevenson, et ben il y a toujours Accident Man 1 et 2, qui sont des pépites, avec Scott Adkins et Ray Stevenson, qui sont tous les deux au top. Ce serait quand même dommage de se priver de ça. Voilà, j'en profite pour en glisser un autre entre deux. Oh tiens, en parlant de glisser un autre titre entre deux, il y a peu, Le Corbeau, vous avez parlé de Deadpool versus Wolverine. Enfin, Deadpool et Wolverine, enfin bon, les deux gugus en collant. Je me suis regardé ce film l'autre fois, tellement Le Corbeau a réussi à me le vendre, et bah je suis d'accord avec lui, c'est de la merde. Voilà, donc si vous avez aimé, bah je suis désolé, mais vraiment, moi je n'ai pas aimé, et tout comme Le Corbeau, je trouve ça quand même poussif, superficiel, et vraiment, vraiment, vraiment inutile. C'est le multivers, il a raison, c'est la pire invention du siècle. Tu pourras faire la pire bouse, hop, un petit coup de multivers et zoup, ça n'existe plus. Déjà, les voyages dans le temps avec les X-Men, Day of the Future Past, etc., ça augurait d'une sorte de révisionnisme de ce qui s'est passé. Alors oui, moi j'étais content que ça efface X-Men 3, qui est une purge totale signée Brett Ratner, mais néanmoins, elle est là. Donc c'est pas parce que tu te recrées une nouvelle timeline en disant « Ouh, c'est un univers parallèle où j'ai réécrit la timeline, en fait ça n'a pas eu lieu », que mes yeux n'ont pas déjà souffert. Bref, on va clore la parenthèse et maintenant on va s'attaquer à un monument de la série B des années 90 qui est The Substitute. Alors, déjà, un truc que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient fait un film sur le passage express du corbeau à l'éducation nationale. Moi, ça m'a surpris. Alors, d'accord, ils ont bien adapté le truc, bien sûr, ils ont transposé la France de Jules Ferry au ghetto de Miami dans les années 90, mais l'essentiel est là, on y ressent tout le sel du corbeau. Bon, blague à part, jusqu'à ce jour, je croyais que les Sister Act 2 et autres Esprits Rebelles étaient des versions soft de The Substitute. Alors qu'en fait, eh ben c'est tout l'inverse. Si on remonte la chronologie, je dirais que tout commence avec le cercle des poètes disparus. Oui, vous allez voir, on en est quand même très très loin. puis la version légèrement déclinée que j'ai citée avant, c'est-à-dire Sister Act 2 ou Esprit Rebelle, tout ça pour en arriver à ce film presque radicalement opposé, sorte d'un justicier à l'école. Personnellement, j'ai grandi avec John Keating et cette philosophie m'a marqué, comme beaucoup de ma génération d'ailleurs. Et voir ce concept tordu au point de devenir un film d'autodéfense presque aussi caricatural que Class of 1999, c'est quand même pas rien. Mais je dois fréquenter le corbeau depuis trop longtemps et j'admets prendre un malin plaisir à voir la peur changer de camp. Donc, on va coller au basque d'un mercenaire incarné par Tom Béranger qui va remplacer sa petite amie dans un lycée gangréné par la drogue et la violence. Ben voilà. Et il va leur inculquer le respect à coups de pompe dans le cul. Bref, enfin putain, j'ai l'impression de parler comme CNews, hein, sauf que j'ai conscience du caractère fictionnel, caricatural de la chose. C'est dingue comme ce film de 1996 pue les années 80, avec son scénar cousu de fil blanc, ses rebondissements prévisibles, et son cast de gueules qui font plaisir. À commencer par Ernie Hudson, toujours impérial, à la fois sympathique et inquiétant, et suffisamment impressionnant face à Tom Béranger en pleine forme. Mais n'oublions pas non plus William Forsythe, Raymond Cruz ou Louis Guzman, deux bonnes tronches de série B comme on les aime, et ça me donnerait presque envie de voir les trois autres, et d'ailleurs ça tombe bien, je vais vous en parler. Au moins de 2 sur 3 parce que j'ai pas encore vu le 4, mais chut. Et donc, on continue sur l'éducation à la dure avec The Substitute 2. Exit Tom Béranger et welcome Treat Williams. Moi ça me va parfaitement, j'aime beaucoup Treat Williams, enfin pardon, j'aimais beaucoup Treat Williams et ça me fait toujours plaisir de le voir dans un film. J'aime bien son côté cool et sa nonchalance souriante. Si seulement Un cri dans l'océan avait mieux marché, on aurait eu une super série d'aventures avec un héros charismatique. Et au lieu de ça, on a la série des Substitutes. C'est marrant, mais cet opus me semble quand même moins réac que son prédécesseur. Il y a plus de questionnements envers le désespoir qui pousse des gosses à intégrer des gangs dangereux. Enfin, vous faites pas d'illusions, c'est pas Sister Act 2 non plus. C'est pas très fin non plus. Mais c'est assez efficace pour être amusant. Et BD Wong, vu en scientifique peu scrupuleux dans Jurassic Park, fait un très bon méchant. J'aime bien aussi le personnage du gardien, ancien rat des tunnels au Vietnam, ça ajoute une petite touche d'inattendu. Pour le reste, disons que c'est pas l'originalité qui l'étouffe. Un mercenaire remplace son frère à son poste de prof de banlieue craignos pour faire la lumière sur son assassinat. C'est donc une série B dispensable, effectivement, mais sympathique à voir surtout pour sa chanson titre signée Alice Cooper, School Out. Et bien sûr pour le grand et inimitable Treat Williams qui nous manque sérieusement. Et maintenant, on enchaîne avec The Substitute 3, bien sûr, après le 2 vient le 3. Je vais vous avouer quelque chose tout de suite. Approchez, je vais pas le dire trop fort, ça ferait trop plaisir aux corbeaux. Je sais que les Substitutes sont une série de films réac, sorte d'un justicier à l'école, je vous l'ai déjà dit. Et même si ça ne correspond pas à mes valeurs, ni à mon mode de pensée, j'arrive pas à m'empêcher d'y prendre un malin plaisir. Alors, allez pas croire que la sombre volaille déteigne sur moi. Enfin, un peu, mais pas tant que ça. En fait, gamin, j'ai subi, comme beaucoup d'entre nous, le harcèlement scolaire. J'étais plus club des losers que gars populaire, si vous voulez. Et j'ai bien sûr subi violence verbale et physique. Bref, je vous raconte pas tout ça pour me plaindre, mais pour vous donner un contexte. Contexte sans lequel mon affection pour ces films aurait l'air pour le moins étrange et contradictoire. Je dois donc confesser que j'apprécie beaucoup de voir les mecs dits cool et les petits bullies du collège, les petits bullies à la con, se faire remettre à leur place par plus balèze qu'eux. Et puis comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup Treat Williams depuis que je l'ai découvert dans Un cri dans l'océan. Et d'ailleurs son décès m'avait beaucoup affecté. Parce que c'est bien tout ce qui me fait apprécier cette saga, malgré tout, opus après opus. Plus ça va et plus c'est con et cheap. Ici c'est un trafic de stéroïdes qui rend notre prof à mi-temps particulièrement chafouin. Et comme d'habitude, il va régler le problème de manière ferme mais éducative. Bah non, je déconne, il va tous les buter et on va applaudir mollement. Bien sûr, c'est pas faute d'être tolérant, mais là faut vraiment mon niveau d'indulgence pour trouver le visionnage sympathique. Bref, voilà. Donc on n'est pas sur une série qui a un niveau chef-d'œuvre exceptionnel, mais il y a un petit côté revanchard en moi qui l'apprécie quand même assez grandement. Je vais pas dire que c'est pour tout le monde, je vais pas dire que le corbeau a raison, mais ça mérite de se laisser regarder. Allez, promis, la semaine prochaine, on essaye de faire plus léger. Salut à tous! Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre.